de la fac. Maestro, on frappe à ta porte, ta porte, ta porte. Ouais, ok. L'impact c'est le retour en rente par réfraction. Je défonce ta porte avec ton rap, je fais mes tractions. Je passe mon couplet, les MC sont en faction. Rapper tu le sais, c'est ma seule satisfaction. Dans le feu de l'action, c'est Ezo MIC. Tu rappes en excellence, je rappe en espoir français. Tu dis qu'on rappe rue, non on rappe vrai. On donne du secours parce que le rap tombe dans le fossé. Je mitraille l'instru tout blanc. Je mitraille l'instru tout blanc. Mitraille, l'instru, double impact. Maestro, on élimine les intrus. Je dis qu'un truc, plus porte ouverte, faut se démerder. Force de grandir, notre avenir commence à se corser. Appelle-moi Jack Mess, tout dans la simplicité. Je lâche pas l'affaire, je compte ouvrir vos portes sans pitié. Toujours OP, un bête de flow, je suis dopé. À marche de vie, t'es pas prêt d'y arriver. Débarque, et on frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas avec mon équipe, on te porte. On prend de l'altitude, y'a plus de partage. Double impact, prends l'envol comme les ex de Carthage. On débarque, et on frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas avec mon équipe, on te porte. Gros flow pour gros sang, ses ennemis la section. Double impact, qu'on vient faire péter le caisson. On dort pas, on passe à l'accent, trembler les portes. Je vais faire sauter le terrain, éliminer, éliminer. Les bâtards, d'air Judas c'est risqué. Chauffe pas, tu vas te brûler. Trop énervé pour nancer. C'est pourquoi y'a pas de chance, c'est perdu en perdu. À faire fond les velles ou trop de velles ou ralentisse l'ascension. Écarte-toi, maestro de la section. J'ai plus rien à perdre, donc je vais gagner le vel et starter. Y'a les roses sur le gradin. Stop pas, je fais sauter les portes, y'a trop tapé. Même si je suis tarpé, les bâtards se cloîtrent, les vols est fermé. Je viens rafaler leur toison. Pour ta porte, des balises, canalise ta force, je suis trop dur. Même si chacun, comme la mec, je suis trop. Ouvre ta porte, stop, vu un gros sang de minot. 2008, ça sourit plus. Double impact, maestro, on reste trop dur. On débarque et on frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas avec mon équipe, on te porte. On prend de l'altitude, y'a plus de partage. Double impact, prends l'envol comme les ex de Carthage. On débarque et on frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas avec mon équipe, on te porte. Gros flou pour gros sang, ses ennemis la section. Double impact, on vient faire péter le caisson. 83, c'est hip hop chez nous, on fuck le rock, double impact maestro, rappeur de choc. On t'annonce qu'on a changé d'avis, on frappe plus à ta porte. On t'a prévenu dans le refrain que si t'ouvres pas, on te fuck. J'ai besoin d'aide parce que ma feuille reste blanche. Derrière cette porte, c'est la solution qui se planque. Nous, c'est Alkaï rap, on va s'armer jusqu'au dents. Ce soir, ça va péter comme l'attentat du 11 septembre. Comme tout le monde, on veut briller, on rêve de liasse de billets pour démarrer. On va commencer par te piller. Au pied de biche, on ouvre ta porte à l'arrache. Et ouais, ma biche, on vole pas ton sac à l'arrache. Taillez la porte à sauter, direction corps. On va tout prendre, on va tout coffrer. Les mains en l'air, c'est un braquage à l'italienne. La section, n'oublie pas qu'on a la dalle comme Brienne. On débarque et on frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas avec mon équipe, on te porte. On prend de l'altitude, y'a plus de partage. Double impact, prends l'envol comme les ex de Carthage. On débarque et on frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas avec mon équipe, on te porte. Gros flou pour gros sang, ses ennemis la section. N'oublie pas qu'on vient faire péter le caisson. Quel caisson.